Thank you. genre We Survive. Je sais pas pourquoi j'ai un coup de pompe là, samedi, puis j'ai déjà un coup de pompe à 11h. Oh merde. bon, c'est plus calme là. Bon, Antoine, je te laisse placer le prochain. Hein. Je crois que je vais passer à la basse et puis à la gratte, quoi. Puis je vais essayer de te suivre comme d'habitude. J'enlève la petite réverb pour avoir ma voix naturelle. Simple et sexy, quoi. Mort de rire. Bon, allez, un petit peu de réverb. Ça. Ouais. Ok, voilà. Ah non, trop rapide. Franchement, trop rapide. Il faut que je la coupe en deux, là. Putain, faut que j'enlève toutes les... Ouais, si tu veux... 4... Ouais, si tu veux, 90, hein, pas de soucis. Putain, où j'en étais déjà, là. Oui, merde, mais comment j'enlève la fonction record là ? Oh, il était là, voilà. Je sais pas si je suis synchro. Ça m'a l'air bien. Je la mets un peu plus doux. Hein. Non, t'as perdu l'amande. Pas t'as perdu, tu l'as retiré, quoi. Ah, ça va faire plus de place dans ta pièce. Je vais débrancher le tollbox parce que j'ai le tollbox qui est branché, mais c'est tout un micmac pour le brancher là, et pour le débrancher également quand je vais le retirer. Ok, bon, j'ai plus de la montre dans la pièce, c'est chiant, j'en ai deux, un à l'étage. Tu t'arrêtes pas, toi. J'ai en train de débrancher un truc là, je branche pas grave. Tu dois être content de ta femme, hein. C'est comme moi avec mes grattes, hein. En fait, je dois avoir une vingtaine de grattes. J'en ai laissé en Nouvelle-Calédonie. Enfin, la majorité, j'ai laissé en Nouvelle-Calédonie. Puis je me suis refait une petite famille de guitares ici. En métropole. Là, j'en ai deux actuellement, là. Et j'en ai trois qui arrivent par bateau dans pas longtemps. Vas-y, vas-y, fais-moi écouter. Ok, ça y est, je viens de percuter, punaise, de samedi matin. Tu ne peux pas parce que tu l'as laissé dans une autre pièce. Si tu veux, je te prête des mecs du Pacifique. Hein. Ils sont assez costauds aussi. Ils sont designés pour le rugby, mais ils peuvent porter des meubles aussi. Je suis en train de voir ce qu'on peut mettre comme drum. Hein. Je sais pas ce que tu veux comme genre de drum. Là. C'est long, hein. Je trouve le tempo il est long. Je peux accélérer le tempo en deux. Hein. J'aime bien quand c'est. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Quoi. Moi je le trouve intéressant celui-là. En plus tu accentues bien sur la partie. Yeah, yeah. Ah oui c'est bon ça. Je vais rajouter une ligne de basse tout à l'heure. Bon, je coupe ma voix, comme ça je enregistre le beat. Placer la ligne de basse là. Je sais pas t'es en quoi mais je vais devoir me démerder. Hein. Thank you. Peut-être. Thank you. Thank you.